Maman, tu peux me donner mon argent de poche ? Mais le mois n'est pas fini ? Tu as déjà tout dépensé ? Oui, j'ai acheté des tickets de métro, je suis allé deux fois au cinéma et le prof de géographie nous a demandé un stylo spécial pour écrire sur les cartes. C'était super cher. Bon, voilà 10 euros pour finir le mois, mais je ne te donnerai rien de plus, hein. Débrouille-toi et essaye d'être un peu plus économe. Merci, maman. Mais tu sais, je fais très attention. Je crois plutôt que tu es un panier percé.